Livre 10, troisième partie. Au voyage de juillet, Monsieur et Madame de Luxembourg me marquèrent tant d'attention et me firent tant de caresses que, logé chez eux et comblé de leur bonté, je ne pus moins faire que d'y répondre en les voyant assidûment. Je ne les quittai presque point. J'allais le matin faire ma cour à Madame la Maréchale, j'y dînais. J'allais l'après-midi me promener avec Monsieur le Maréchal, mais je n'y soupais pas, à cause du grand monde et qu'on y soupait trop tard pour moi. Jusqu'alors, tout était convenable, et il n'y avait point de mal encore. Si j'avais su m'en tenir là. Mais je n'ai jamais su garder un milieu dans mes attachements et remplir simplement des devoirs de société. J'ai toujours été tout ou rien. Bientôt, je fus tout, et me voyant fêté, gâté par des personnes de cette considération, je passai les bornes et me pris pour eux d'une amitié qu'il n'est permis d'avoir que pour ses égaux. J'en mis toute la familiarité dans mes manières, tandis qu'ils ne se relâchèrent jamais dans les leurs de la politesse à laquelle ils m'avaient accoutumé. Je n'ai pourtant jamais été très à mon aise avec Madame la Maréchale. Quoique je ne fusse pas parfaitement rassurée sur son caractère, je le redoutais moins que son esprit. C'était par là surtout qu'elle m'en imposait. Je savais qu'elle était difficile en conversation et qu'elle avait droit de l'être. Je savais que les femmes, et surtout les grandes dames, veulent absolument être amusées, qu'il vaudrait mieux les offenser que les ennuyer. Et je jugeais, par ses commentaires sur ce qu'avaient dit les gens qui venaient de partir, de ce qu'elles devaient penser de mes balourdises. Je m'avisais d'un supplément pour me sauver auprès d'elle l'embarras de parler. Ce fut de lire. Elle avait ouï parler de la Julie. Elle savait qu'on l'imprimait. Elle marqua de l'empressement de voir cet ouvrage. J'offris de le lui lire. Elle accepta. Tous les matins, je me rendais chez elle sur les 10 heures. Monsieur de Luxembourg y venait. On fermait la porte. Je lisais à côté de son lit, et je compassais si bien mes lectures qu'il y en aurait eu pour tout le voyage. Quand même, il n'aurait pas été interrompu. Le succès de cet expédient passa mon attente. Madame de Luxembourg s'engoua de la Julie et de son auteur. Elle ne parlait que de moi, ne s'occupait que de moi, me disait des douceurs toute la journée, m'embrassait 10 fois le jour. Elle voulut que j'eusse toujours ma place à table à côté d'elle. Et quand quelques seigneurs voulaient prendre cette place, elle leur disait que c'était la mienne et les faisait mettre ailleurs. On peut juger de l'impression que ces manières charmantes faisaient sur moi, que les moindres marques d'affection subjuguent. Je m'attachais réellement à elle, à proportion de l'attachement qu'elle me témoignait. Toute ma crainte, en voyant cet engouement et me sentant si peu d'agrément dans l'esprit pour le soutenir, était qu'il ne se changeât en dégoût. Et malheureusement pour moi, cette crainte ne fut que trop bien fondée. Il fallait qu'il y eût une opposition naturelle entre son tour d'esprit et le mien, puisque, indépendamment des foules de balourdises qui m'échappaient à chaque instant dans la conversation, dans mes lettres même, et lorsque j'étais le mieux avec elle, il se trouvait des choses qui lui déplaisaient, sans que je pusse imaginer pourquoi. Je n'en citerai qu'un exemple, et j'en pourrais citer 20. Elle sut que je faisais pour Madame d'Oudetot une copie de l'Héloïse, à tant la page. Elle en voulut avoir une sur le même pied. Je la lui promis. Et la mettant par là du nombre de mes pratiques, je lui écrivis quelque chose d'obligeant et d'honnête à ce sujet. Du moins, telle était mon intention. Voici sa réponse qui me fit tomber des nues. À Versailles, ce mardi. Liasse C, numéro 43. Je suis ravie. Je suis contente. Votre lettre m'a fait un plaisir infini et je me presse pour vous le mander et pour vous en remercier. Voici les propres termes de votre lettre. Quoique vous soyez sûrement une très bonne pratique, je me fais quelque peine de prendre votre argent régulièrement. Ce serait à moi de payer le plaisir que j'aurais de travailler pour vous. Je ne vous en dis pas davantage. Je me plains de ce que vous ne me parlez jamais de votre santé. Rien ne m'intéresse davantage. Je vous aime de tout mon cœur, et c'est, je vous assure, bien tristement que je vous le mande, car j'aurais bien du plaisir à vous le dire moi-même. Monsieur de Luxembourg vous aime et vous embrasse de tout son cœur. » En recevant cette lettre, je me hâtai d'y répondre, en attendant plus ample examen, pour protester contre toute interprétation désobligeante. Et après m'être occupé quelques jours à cet examen, avec l'inquiétude qu'on peut concevoir, et toujours sans y rien comprendre, voici quelle fut enfin ma dernière réponse à ce sujet. À Montmorency, le 8 décembre 1759. Depuis ma dernière lettre, j'ai examiné 100 et 100 fois le passage en question. Je l'ai considéré par son sens propre et naturel, je l'ai considéré par tous les sens qu'on peut lui donner, et je vous avoue, madame la maréchale, que je ne sais plus si c'est moi qui vous dois des excuses ou si ce n'est point vous qui m'en devez. Il y a maintenant 10 ans que ces lettres ont été écrites. J'y ai souvent repensé depuis ce temps-là. Et telle est encore aujourd'hui ma stupidité sur cet article que je n'ai pu parvenir à sentir ce qu'elle avait pu trouver dans ce passage. Je ne dis pas d'offensant, mais même qui pût lui déplaire. À propos de cet exemplaire manuscrit de l'Héloïse, que voulut avoir madame de Luxembourg, je dois dire ici ce que j'imaginais pour lui donner quelque avantage marqué qui le distingua de tout autre. J'avais écrit, à part les aventures de Milord Édouard, et j'avais balancé longtemps à les insérer, soit en entier, soit par extrait, dans cet ouvrage où elle me paraissait manquer. Je me déterminai enfin à les retrancher tout à fait, parce que, n'étant pas du ton de tout le reste, elles en auraient gâté la touchante simplicité. J'eus une autre raison bien plus forte quand je connus madame de Luxembourg. C'est qu'il y avait dans ses aventures une marquise romaine d'un caractère très odieux, dont quelques traits, sans lui être applicables, aurait pu lui être appliqué par ceux qui ne la connaissaient que de réputation. Je me félicitais donc beaucoup du parti que j'avais pris et m'y confirmais. Mais dans l'ardent désir d'enrichir son exemplaire de quelque chose qui ne fût dans aucun autre, n'allais-je pas songer à ces malheureuses aventures et former le projet d'en faire l'extrait pour l'y ajouter ? Projet insensé, dont on ne peut expliquer l'extravagance que par l'aveugle fatalité qui m'entraînait à ma perte. Quos vult perdere Jupiter dementat. J'eus la stupidité de faire cet extrait avec bien du soin, bien du travail, et de lui envoyer ce morceau comme la plus belle chose du monde, en la prévenant toutefois, comme il était vrai, que j'avais brûlé l'original, que l'extrait était pour elle seule et ne serait jamais vu de personne, à moins qu'elle ne le montrât elle-même. Ce qui, loin de lui prouver ma prudence et ma discrétion, comme je croyais faire, n'était que l'avertir du jugement que je portais moi-même sur l'application des traits dont elle aurait pu s'offenser. Mon imbécilité fut telle que je ne doutais pas qu'elle ne fût enchantée de mon procédé. Elle ne me fit pas là-dessus les grands compliments que j'en attendais, et jamais, à ma très grande surprise, elle ne me parla du cahier que je lui avais envoyé. Pour moi, toujours charmée de ma conduite dans cette affaire, ce ne fut que longtemps après que je jugeai, sur d'autres indices, l'effet qu'elle avait produit. J'eus encore, en faveur de son manuscrit, une autre idée plus raisonnable, mais qui, par des effets plus éloignés, ne m'a guère été moins nuisible. Tant tout concourt à l'œuvre de la destinée quand elle appelle un homme au malheur. Je pensais d'orner ce manuscrit des dessins des estampes de la Julie, lesquels dessins se trouvèrent être du même format que le manuscrit. Je demandai à Coindé ces dessins, qui m'appartenaient à toutes sortes de titres, et d'autant plus que je lui avais abandonné le produit des planches, lesquelles eurent un grand débit. Coindé est aussi rusé que je le suis peu. À force de se faire demander ses dessins, il parvint à savoir ce que j'en voulais faire. Alors, sous prétexte d'ajouter quelques ornements à ses dessins, il se les fit laisser et finit par les présenter lui-même. Ego versiculos feci, tulit alter honores. Cela acheva de l'introduire à l'hôtel du Luxembourg sur un certain pied. Depuis mon établissement au petit château, il m'y venait voir très souvent, et toujours dès le matin, surtout quand monsieur et madame de Luxembourg étaient à Montmorency. Cela faisait que, pour passer avec lui une journée, je n'allais point au château. On me reprocha ses absences, j'en dis la raison. On me pressa d'amener monsieur Coindé. Je le fis. C'était ce que le drôle avait cherché. Ainsi, grâce aux bontés excessives qu'on avait pour moi, un commis de monsieur Télusson, qui voulait bien lui donner quelquefois sa table quand il n'avait personne à dîner, se trouva tout d'un coup admis à celle d'un maréchal de France, avec les princes, les duchesses et tout ce qu'il y avait de grand à la cour. Je n'oublierai jamais qu'un jour qu'il était obligé de retourner à Paris de bonne heure, monsieur le maréchal dit, après le dîner, à la compagnie « Allons nous promener sur le chemin de Saint-Denis. Nous accompagnerons monsieur Coindé. » Le pauvre garçon n'y tint pas. Sa tête s'en alla tout à fait. Pour moi, j'avais le cœur si ému que je ne pus dire un seul mot. Je suivais par derrière, pleurant comme un enfant et mourant d'envie de baiser les pas de ce bon maréchal. Mais la suite de cette histoire de copie m'a fait anticiper ici sur les temps. Reprenons-les dans leur ordre, autant que ma mémoire me le permettra. Sitôt que la petite maison de Montlouis fut prête, je la fis meubler proprement, simplement, et retournai m'y établir, ne pouvant renoncer à cette loi que je m'étais faite, en quittant l'ermitage, d'avoir toujours mon logement à moi. Mais je ne pus me résoudre non plus à quitter mon appartement du petit château. J'en gardais la clé. Et tenant beaucoup au joli déjeuner du péristyle, j'allais souvent y coucher, et j'y passais quelquefois 2 ou 3 jours, comme à une maison de campagne. J'étais peut-être alors le particulier de l'Europe le mieux et le plus agréablement logé. Mon hôte, M. Matta, qui était le meilleur homme du monde, m'avait absolument laissé la direction des réparations de Montlouis et voulu que je disposasse de ses ouvriers, sans même qu'il s'en mêlât. Je trouvai donc le moyen de me faire d'une seule chambre au premier un appartement complet, composé d'une chambre, d'une antichambre et d'une garde-robe. Au rez-de-chaussée étaient la cuisine et la chambre de Thérèse. Le donjon me servait de cabinet, au moyen d'une bonne cloison vitrée et d'une cheminée qu'on y fit faire. Je m'amusais, quand j'y fus, à orner la terrasse, qu'ombrageait déjà 2 rangs de jeunes tilleuls. J'y en fis ajouter 2 pour faire un cabinet de verdure. J'y fis poser une table et des bancs de pierre, je l'entourai de lilas, de seringas, de chèvrefeuilles, j'y fis faire une belle plate-bande de fleurs, parallèle aux 2 rangs d'arbres. Et cette terrasse, plus élevée que celle du château, dont la vue était du moins aussi belle, et sur laquelle j'avais apprivoisé des multitudes d'oiseaux, me servait de salle de compagnie pour recevoir monsieur et madame de Luxembourg, monsieur le duc de Villeroy, monsieur le prince de Tingris, monsieur le marquis d'Armentières, madame la duchesse de Montmorency, madame la duchesse de Boufflers, madame la comtesse de Valentinois, madame la comtesse de Boufflers et d'autres personnes de ce rang, qui, du château, ne dédaignaient pas de faire, par une montée très fatigante, le pèlerinage de Montlouis. Je devais à la faveur de monsieur et madame de Luxembourg toutes ces visites. Je le sentais, et mon cœur leur en faisait bien l'hommage. C'est dans un de ces transports d'attendrissement que je dis une fois à monsieur de Luxembourg en l'embrassant « Ah, monsieur le maréchal, je haïssais les grands avant que de vous connaître, et je les hais davantage encore depuis que vous me faites si bien sentir » combien il leur serait aisé de se faire adorer. Au reste, j'interpelle tous ceux qui m'ont vu durant cette époque s'ils se sont jamais aperçus que cet éclat m'est un instant ébloui, que la vapeur de cet encens m'est portée à la tête. S'ils m'ont vu moins uni dans mon maintien, moins simple dans mes manières, moins liant avec le peuple, moins familier avec mes voisins, moins prompte à rendre service à tout le monde quand je l'ai pu, sans me rebuter jamais des importunités sans nombre et souvent déraisonnables dont j'étais sans cesse accablée. Si mon cœur m'attirait au château de Montmorency par mon sincère attachement pour les maîtres, il me ramenait de même à mon voisinage goûter les douceurs de cette vie égale et simple, hors de laquelle il n'est point de bonheur pour moi. Thérèse avait fait amitié avec la fille d'un maçon, mon voisin, nommé Pileux. Je la fis de même avec le père. Et après avoir le matin dîné au château, non sans gêne, mais pour complaire à madame la maréchale, avec quel empressement je revenais le soir souper avec le bonhomme Pileux et sa famille, tantôt chez lui, tantôt chez moi. Outre ces deux logements, j'en eus bientôt un troisième à l'hôtel de Luxembourg, dont les maîtres me pressèrent si fort d'aller les y voir quelquefois que j'y consentis, malgré mon aversion pour Paris, où je n'avais été, depuis ma retraite à l'Ermitage, que les deux seules fois dont j'ai parlé. Encore, n'y allais-je que les jours convenus, uniquement pour souper, et m'en retourner le lendemain matin. J'entrais et sortais par le jardin qui donnait sur le boulevard, de sorte que je pouvais dire, avec la plus exacte vérité, que je n'avais pas mis le pied sur le pavé de Paris. Au sein de cette prospérité passagère, se préparait de loin la catastrophe qui devait en marquer la fin. Peu de temps après mon retour à Montlouis, j'y fis, et bien malgré moi, comme à l'ordinaire, une nouvelle connaissance qui fait époque dans mon histoire. On jugera dans la suite si c'est en bien ou en mal. C'est madame la marquise de Verdelin, ma voisine, dont le mari venait d'acheter une maison de campagne à Soisy, près de Montmorency. Mademoiselle d'Ars, fille du comte d'Ars, homme de condition, mais pauvre, avait épousé monsieur de Verdelin, vieux, laid, sourd, dur, brutal, jaloux, balafré, borgne, au demeurant bonhomme quand on savait le prendre, et possesseur de 15 à 20 000 livres de rente, auquel on la maria. Ce mignon, jurant, criant, grondant, tempêtant, et faisant pleurer sa femme toute la journée, finissait par faire toujours ce qu'elle voulait, et cela pour la faire enrager, attendu qu'elle savait lui persuader que c'était lui qui le voulait, et que c'était elle qui ne le voulait pas. Monsieur de Margency, dont j'ai parlé, était l'ami de madame, et devint celui de monsieur. Il y avait quelques années qu'il leur avait loué son château de Margency, près d'Aubonne et d'Andilly, et ils y étaient précisément durant mes amours pour madame d'Houdetot. Madame d'Houdetot et madame de Verdelin se connaissaient par madame d'Aubeterre, leur commune amie. Et comme le jardin de Margency était sur le passage de madame d'Houdetot pour aller au Mont Olympe, sa promenade favorite, madame de Verdelin lui donna une clé pour passer. À la faveur de cette clé, j'y passais souvent avec elle. Mais je n'aimais point les rencontres imprévues. Et quand madame de Verdelin se trouvait par hasard sur notre passage, je les laissais ensemble sans lui rien dire, et j'allais toujours devant. Ce procédé peu galant n'avait pas dû me mettre en bon prédicament auprès d'elle. Cependant, quand elle fut à Soisy, elle ne laissa pas de me rechercher. Elle me vint voir plusieurs fois à Montlouis sans me trouver, et voyant que je ne lui rendais pas sa visite, elle s'avisa, pour m'y forcer, de m'envoyer des pots de fleurs pour ma terrasse. Il fallut bien l'aller remercier. C'en fut assez. Nous voilà liés. Cette liaison commença par être orageuse, comme toutes celles que je faisais malgré moi. Il n'y régna même jamais un vrai calme. Le tour d'esprit de madame de Verdelin était par trop antipathique avec le mien. Les traits malins et les épigrammes partent chez elle avec tant de simplicité qu'il faut une attention continuelle, et pour moi très fatigante, pour sentir quand on est persiflé. Une niaiserie qui me revient suffira pour en juger. Son frère venait d'avoir le commandement d'une frégate en course contre les Anglais. Je parlais de la manière d'armer cette frégate sans nuire à sa légèreté. « Oui, » dit-elle d'un ton tout uni, « l'on ne prend de canon que ce qu'il en faut pour se battre. » Je l'ai rarement oui parler en bien de quelqu'un de ses amis absents, sans glisser quelques mots à leur charge. Ce qu'elle ne voyait pas en mal, elle le voyait en ridicule, et son ami Margency n'était pas excepté. Ce que je trouvais encore en elle d'insupportable était la gêne continuelle de ces petits envois, de ces petits cadeaux, de ces petits billets, auxquels il fallait me battre les flancs pour répondre, et toujours nouveaux embarras pour remercier ou pour refuser. Cependant, à force de la voir, je finis par m'attacher à elle. Elle avait ses chagrins ainsi que moi. Les confidences réciproques nous rendirent intéressants, nos têtes à tête. Rien ne lit tant les cœurs que la douceur de pleurer ensemble. Nous nous cherchions pour nous consoler, et ce besoin m'a souvent fait passer sur beaucoup de choses. J'avais mis tant de dureté dans ma franchise avec elle, qu'après avoir montré quelquefois si peu d'estime pour son caractère, il fallait réellement en avoir beaucoup pour croire qu'elle pût sincèrement me pardonner. Voici un échantillon des lettres que je lui ai quelquefois écrites, et dont il est à noter que jamais, dans aucune de ses réponses, elle n'a paru piquée en aucune façon. À Montmorency, le 5 novembre 1760. Vous me dites, madame, que vous ne vous êtes pas bien expliquée pour me faire entendre que je m'explique mal. Vous me parlez de votre prétendue bêtise pour me faire sentir la mienne. Vous vous vantez de n'être qu'une bonne femme, comme si vous aviez peur d'être prise au mot, et vous me faites des excuses pour m'apprendre que je vous en dois. Oui, madame, je le sais bien. C'est moi qui suis une bête, un bonhomme, et puis encore, s'il est possible. C'est moi qui choisis mal mes termes, au gré d'une belle dame française qui fait autant d'attention aux paroles et qui parle aussi bien que vous. Mais considérez que je les prends dans le sens commun de la langue, sans être au fait ou en souci des honnêtes acceptions qu'on leur donne dans les vertueuses sociétés de Paris. Si quelquefois mes expressions sont équivoques, je tâche que ma conduite en détermine le sens, etc. Le reste de la lettre est à peu près sur le même ton. Voyez-en la réponse, lias D numéro 41, et jugez de l'incroyable modération d'un cœur de femme qui peut n'avoir pas plus de ressentiment d'une pareille lettre que cette réponse n'en laisse paraître et qu'elle ne m'en a jamais témoigné. Coindé, entreprenant, hardi jusqu'à l'effronterie et qui se tenait à l'affût de tous mes amis, ne tarda pas à s'introduire en mon nom chez madame de Verdelin, et y fut bientôt, à mon insu, plus familier que moi-même. C'était un singulier corps que ce Coindé. Il se présentait de ma part chez toutes mes connaissances, s'y établissait, y mangeait sans façon. Transporté de zèle pour mon service, il ne parlait jamais de moi que les larmes aux yeux. Mais quand il me venait voir, il gardait le plus profond silence sur toutes ses liaisons et sur tout ce qu'il savait devoir m'intéresser. Au lieu de me dire ce qu'il avait appris, ou dit, ou vu, qui m'intéressait, il m'écoutait, m'interrogeait même. Il ne savait jamais rien de Paris que ce que je lui en apprenais. Enfin, quoique tout le monde me parlât de lui, jamais il ne me parlait de personne. Il n'était secret et mystérieux qu'avec son ami. Mais laissons, quant à présent, Coindé et madame de Verdelin. Nous y reviendrons dans la suite. Quelque temps après mon retour à Montlouis, Latour, le peintre, m'y vint voir et m'apporta mon portrait en pastel qu'il avait exposé au salon, il y avait quelques années. Il avait voulu me donner ce portrait que je n'avais pas accepté. Mais madame d'Épinay, qui m'avait donné le sien et qui voulait avoir celui-là, m'avait engagé à le lui redemander. Il avait pris du temps pour le retoucher. Dans cet intervalle, vint ma rupture avec madame d'Épinay. je lui rendis son portrait. Et n'étant plus question de lui donner le mien, je le mis dans ma chambre au petit château. Monsieur de Luxembourg l'y vit et le trouva bien. Je le lui offris, il l'accepta. Je le lui envoyai. Ils comprirent, lui et madame la maréchale, que je serais bien aise d'avoir les leurs. Ils les firent faire en miniature, de très bonnes mains, les firent enchâsser dans une boîte à bonbons, de cristal de roche, monté en or, et m'en firent le cadeau, d'une façon très galante, dont je fus enchantée. Madame de Luxembourg ne voulut jamais consentir que son portrait occupât le dessus de la boîte. Elle m'avait reproché plusieurs fois que j'aimais mieux Monsieur de Luxembourg qu'elle, et je ne m'en étais point défendue, parce que cela était vrai. Elle me témoigna bien galamment, mais bien clairement, par cette façon de placer son portrait, qu'elle n'oubliait pas cette préférence. Je fis, à peu près dans ce même temps, une sottise qui ne contribua pas à me conserver ses bonnes grâces. Quoique je ne connusse point du tout Monsieur de Silhouette et que je fusse peu portée à l'aimer, j'avais une grande opinion de son administration. Lorsqu'il commença d'appesantir sa main sur les financiers, je vis qu'il n'entamait pas son opération dans un temps favorable. Je n'en fis pas des vœux moins ardents pour son succès, et quand j'appris qu'il était déplacé, je lui écrivis dans mon étourderie la lettre suivante, qu'assurément je n'entreprends pas de justifier. À Montmorency, le 2 décembre 1759. Daignez, monsieur, recevoir l'hommage d'un solitaire qui n'est pas connu de vous, mais qui vous estime par vos talents, qui vous respecte par votre administration, et qui vous a fait l'honneur de croire qu'elle ne vous resterait pas longtemps. Ne pouvant sauver l'État qu'aux dépens de la capitale qu'il a perdue, vous avez bravé les cris des gagneurs d'argent. En vous voyant écraser ces misérables, je vous enviais votre place. En vous la voyant quitter sans vous être démenti, je vous admire. Soyez content de vous, monsieur. Elle vous laisse un honneur dont vous jouirez longtemps sans concurrent. Les malédictions des fripons font la gloire de l'homme juste. » Madame de Luxembourg, qui savait que j'avais écrit cette lettre, m'en parla au voyage de Pâques. Je la lui montrai, elle en souhaita une copie. Je la lui donnai. Mais j'ignorais, en la lui donnant, qu'elle était un de ces gagneurs d'argent qui s'intéressaient aux sous-fermes et qui avaient fait déplacer Silhouette. On eût dit à toutes mes balourdises que j'allais, excitant à plaisir, la haine d'une femme aimable et puissante, à laquelle, dans le vrai, je m'attachais davantage de jour en jour, et dont j'étais bien éloignée de vouloir m'attirer la disgrâce, quoi que je fisse, à force de gaucherie, tout ce qu'il fallait pour cela. Je crois qu'il est assez superflu d'avertir que c'est à elle que se rapporte l'histoire de l'opiate de M. Tronchin, dont j'ai parlé dans ma première partie. L'autre dame était Mme Mirepoix. Elles ne m'en ont jamais reparlé, ni fait le moindre semblant de s'en souvenir, ni l'une ni l'autre. Mais de présumer que Mme de Luxembourg ait pu l'oublier réellement, c'est ce qui me paraît bien difficile. Quand même, on ne saurait rien des événements subséquents. Pour moi, je m'étourdissais sur l'effet de mes bêtises par le témoignage que je me rendais de n'en avoir fait aucune à dessein de l'offenser. Comme si jamais femme en pouvait pardonner de pareil, même avec la plus parfaite certitude que la volonté n'y a pas eu la moindre part. Cependant, quoiqu'elle parût ne rien voir, ne rien sentir, et que je ne trouvasse encore ni diminution dans son empressement, ni changement dans ses manières, la continuation, l'augmentation même d'un pressentiment trop bien fondé, me faisait trembler sans cesse que l'ennui ne succéda bientôt à cet engouement. Pouvais-je attendre d'une si grande dame une constance à l'épreuve de mon peu d'adresse à la soutenir? Je ne savais pas même lui cacher ce pressentiment sourd qui m'inquiétait, et ne me rendait que plus maussade. On en jugera par la lettre suivante, qui contient une bien singulière prédiction. Nota bene, Cette lettre, sans date dans mon brouillon, est du mois d'octobre 1760, au plus tard. Que vos bontés sont cruelles! Pourquoi troubler la paix d'un solitaire qui renonçait au plaisir de la vie pour n'en plus sentir les ennuis? J'ai passé mes jours à chercher en vain des attachements solides. Je n'en ai pu former dans les conditions auxquelles je pouvais atteindre. Est-ce dans la vôtre que j'en dois chercher? L'ambition ni l'intérêt ne me tentent pas. Je suis peu vain, peu craintif, je puis résister à tout. Or, aux caresses. Pourquoi m'attaquez-vous tous deux par un faible qu'il faut vaincre, puisque, dans la distance qui nous sépare, les épanchements des cœurs sensibles ne doivent pas rapprocher le mien de vous? La reconnaissance suffira-t-elle pour un cœur qui ne connaît pas deux manières de se donner et ne se sent capable que d'amitié? D'amitié, madame la maréchale. Ah, voilà mon malheur. Il est beau à vous, à monsieur le maréchal, d'employer ce terme. Mais je suis insensé de vous prendre au mot. Vous vous jouez, moi je m'attache. Et la fin du jeu me prépare de nouveaux regrets. Que je hais tous vos titres et que je vous plains de les porter. Vous me semblez si digne de goûter les charmes de la vie privée. Que n'habitez-vous, Clarence? J'irai y chercher le bonheur de ma vie. Mais le château de Montmorency, mais l'hôtel de Luxembourg, est-ce là qu'on doit voir Jean-Jacques? Est-ce là qu'un ami de l'égalité doit porter les affections d'un cœur sensible qui, payant ainsi l'estime qu'on lui témoigne, croit rendre autant qu'il reçoit? Vous êtes bonne et sensible aussi, je le sais, je l'ai vu. J'ai regret de n'avoir pu plus tôt le croire. Mais dans le rang où vous êtes, dans votre manière de vivre, rien ne peut faire une impression durable. Et tant d'objets nouveaux s'effacent si bien mutuellement qu'aucun ne demeure. Vous m'oublierez, madame, après m'avoir mis hors d'état de vous imiter. Vous aurez beaucoup fait pour me rendre malheureux et pour être inexcusable. Je lui joignais là monsieur de Luxembourg afin de rendre le compliment moins dur pour elle. Car au reste, je me sentais si sûre de lui qu'il ne m'était pas même venu dans l'esprit une seule crainte sur la durée de son amitié. Rien de ce qui m'intimidait de la part de madame la maréchale ne s'est un moment étendu jusqu'à lui. Je n'ai jamais eu la moindre défiance sur son caractère, que je savais être faible, mais sûr. Je ne craignais pas plus de sa part un refroidissement que je n'en attendais un attachement héroïque. La simplicité, la familiarité de nos manières l'un avec l'autre marquaient combien nous comptions réciproquement sur nous. Nous avions raison tous deux. J'honorerais, je chérirais, tant que je vivrais, la mémoire de ce digne seigneur. Et quoi qu'on ait pu faire pour le détacher de moi, je suis aussi certain qu'il est mort, mon ami, que si j'avais reçu son dernier soupir. Au second voyage de Montmorency de l'année 1760, la lecture de la Julie étant finie, j'eus recours à celle de l'Émile pour me soutenir auprès de madame de Luxembourg. Mais cela ne réussit pas si bien, soit que la matière fut moins de son goût, soit que tant de lecture l'ennuyât à la fin. Cependant, comme elle me reprochait de me laisser duper par mes libraires, elle voulut que je lui laissasse le soin de faire imprimer cet ouvrage, afin d'en tirer un meilleur parti. J'y consentis, sous l'expresse condition qu'il ne s'imprimerait point en France. Et c'est sur quoi nous eûmes une longue dispute. Moi, prétendant que la permission tacite était impossible à obtenir, imprudente même à demander, et ne voulant point permettre autrement l'impression dans le royaume. Elle, soutenant que cela ne ferait pas même une difficulté à la censure, dans le système que le gouvernement avait adopté. Elle trouva le moyen de faire entrer dans ses vues M. de Malesherbes, qui m'écrivit à ce sujet une longue lettre toute de sa main pour me prouver que la profession de foi du vicaire savoyard était précisément une pièce faite pour avoir partout l'approbation du genre humain, et celle de la cour dans la circonstance. Je fus surpris de voir ce magistrat, toujours si craintif, devenir si coulant dans cette affaire. comme l'impression d'un livre qui l'approuvait était par cela seul légitime, je n'avais plus d'objection à faire contre celle de cet ouvrage. Cependant, par un scrupule extraordinaire, j'exigeais toujours que l'ouvrage s'imprimerait en Hollande, et même par le libraire Neholm, que je ne me contentais pas d'indiquer, mais que j'en prévins, consentant au reste que l'édition se fît au profit d'un libraire français, et que, quand elle serait faite, on la débitât, soit à Paris, soit où l'on voudrait, attendu que ce débit ne me regardait pas. Voilà exactement ce qui fut convenu entre Madame de Luxembourg et moi. Après quoi, je lui remis mon manuscrit. Elle avait amené à ce voyage sa petite fille, Mademoiselle de Boufflet, aujourd'hui Madame la Duchesse de Lauzun. Elle s'appelait Amélie. C'était une charmante personne. Elle avait vraiment une figure, une douceur, une timidité virginale. Rien de plus aimable et de plus intéressant que sa figure. Rien de plus tendre et de plus chaste que les sentiments qu'elle inspirait. D'ailleurs, c'était une enfant. Elle n'avait pas 11 ans. Madame la maréchale, qui la trouvait trop timide, faisait ses efforts pour l'animer. Elle me permit plusieurs fois de lui donner un baiser, ce que je fis avec ma maussaderie ordinaire. Au lieu des gentillesses qu'un autre eût dites à ma place, je restais là, muet, interdit, et je ne sais lequel était le plus honteux, de la pauvre petite ou de moi. Un jour, je la rencontrai seule dans l'escalier du petit château. Elle venait de voir Thérèse, avec laquelle sa gouvernante était encore. Faute de savoir quoi lui dire, je lui proposai un baiser, que, dans l'innocence de son cœur, elle ne refusa pas, en ayant reçu un le matin même, par l'ordre de sa grand-maman et en sa présence. Le lendemain, lisant les milles au chevet de Madame la maréchale, je tombai précisément sur un passage où je censure avec raison ce que j'avais fait la veille. Elle trouva la réflexion très juste et dit là-dessus quelque chose de fort sensé qui me fit rougir. Que je maudis mon incroyable bêtise, qui m'a si souvent donné l'air vil et coupable, quand je n'étais que sot et embarrassé. Bêtise qu'on prend même pour une fausse excuse dans un homme qu'on sait n'être pas sans esprit. Je puis jurer que dans ce baiser si répréhensible, ainsi que dans les autres, le cœur et les sens de Mademoiselle Amélie n'étaient pas plus purs que les miens. Et je puis jurer même que si dans ce moment j'avais pu éviter sa rencontre, je l'aurais fait. Non qu'elle ne me fît grand plaisir à voir, mais par l'embarras de trouver en passant quelques mots agréables à lui dire. Comment se peut-il qu'un enfant même intimide un homme que le pouvoir des rois n'a pas effrayé? Quel parti prendre? Comment se conduire, dénué de tout impromptu dans l'esprit? Si je me force à parler aux gens que je rencontre, je dis une balourdise infailliblement. Si je ne dis rien, je suis un misanthrope, un animal farouche, un ours. Une totale imbécilité m'eût été bien plus favorable. Mais les talents dont j'ai manqué dans le monde ont fait les instruments de ma perte, des talents que j'use à part moi. À la fin de ce même voyage, Madame de Luxembourg fit une bonne œuvre à laquelle j'eus quelque part. Diderot ayant très imprudemment offensé Madame la princesse de Robec, fille de Monsieur de Luxembourg, Palissot, qu'elle protégeait, la vengea par la comédie des philosophes, dans laquelle je fus tourné en ridicule et Diderot extrêmement maltraité. L'auteur m'y ménagea davantage, moins, je pense, à cause de l'obligation qu'il m'avait, que de peur de déplaire au père de sa protectrice, dont il savait que j'étais aimée. Le libraire Duchesne, qu'alors je ne connaissais point, m'envoya cette pièce quand elle fut imprimée, et je soupçonne que ce fut par l'ordre de Palissot, qui crut peut-être que je verrais avec plaisir déchirer un homme avec lequel j'avais rompu. Il se trompa fort. En rompant avec Diderot, que je croyais moins méchant qu'indiscret et faible, j'ai toujours conservé dans l'âme de l'attachement pour lui, même de l'estime, et du respect pour notre ancienne amitié, que je sais avoir été longtemps aussi sincère de sa part que de la mienne. C'est tout autre chose avec Grimm, homme faux par caractère, qui ne m'aima jamais, qui n'est pas même capable d'aimer, et qui, de gaieté de cœur, sans aucun sujet de plainte, et seulement pour contenter sa noire jalousie, s'est fait sous le masque mon plus cruel calomniateur. Celui-ci n'est plus rien pour moi. L'autre sera toujours mon ancien ami. Mes entrailles s'émurent à la vue de cette odieuse pièce. Je n'en pus supporter la lecture, et, sans l'achever, je la renvoyai à Duchesne avec la lettre suivante.